Chant numéro 30. Quand le septentrion de la première sphère, qui n'a jamais connu l'aurore ou le couchant, ni d'autre obscurité que celle du péché, et qui montrait là-haut à chacun le chemin du devoir, comme en bas l'autre le fait aussi pour celui qui dirige au port son gouvernail, eut arrêté son cours, la troupe véridique qui venait après lui, au devant du griffon, se tourna vers le char comme vers son repos. Et l'un d'eux, qu'on eût dit envoyé par le ciel, lança trois fois « Beni sponsa del Libano » et son chant fut repris par les autres en chœur. Comme les bienheureux, lors du dernier appel, surgiront tout à coup chacun de son sépulcre, chantant l'Alléluia d'une voix retrouvée, tel sur ce char divin venait de se lever plus de 100 ad vocem tantisenis ministre et messager aussi de la vie éternelle. Benedictus, disaient tous en chœur, qui venis, et manibus date lilia plenis, d'autres, tout en faisant pleuvoir les fleurs de toutes parts. J'ai déjà vu parfois, à la pointe du jour, les bords de l'Orient se baignant dans les rosées, et le reste du ciel dans l'azur le plus pur. Et j'ai vu le soleil se lever dans des voiles, si bien que les vapeurs modérant son éclat, l'œil pouvait soutenir longuement sa lumière. Tel, parmi les fleurs tombant comme une nue, qui prenait sa naissance entre les doigts des anges, et pleuvait tout autour et au-dessus du char, le front saint d'Olivier, sous un voile candide. Une dame apparut, qui sous un vert manteau, portait des vêtements couleur de flamme vive. Et soudain mon esprit, qui depuis trop longtemps s'était vu maintenir si loin de sa présence, qu'il avait oublié la surprise et la peur, sans avoir eu besoin de la voir davantage, par la vertu secrète émanant de ses yeux, retombait en pouvoir de son ancien amour. Aussitôt que mes yeux sentirent les effets de la grande vertu dont j'ai reçu l'atteinte avant que mon jeune âge abandonnât l'enfance, cherchant protection, je regardais à gauche, comme un petit enfant qui court vers sa maman quand il prend peur ou bien lorsqu'il a du chagrin, voulant dire à Virgile « À peine, s'il me reste quelques gouttes de sang dans les veines qui tremblent, car de mes feux anciens je reconnais les signes. » Virgile, cependant, venait de me priver de sa présence. Lui, Virgile, mon doux père, Virgile, à qui j'avais confié mon salut. Tout ce qu'avait perdu notre première mère n'empêcha pas mes yeux mouillés par la rosée de se baigner alors de nouveau dans mes larmes. Dante, pour dur que soit le départ de Virgile, il est tôt pour pleurer, il est tôt pour les larmes, car il te faut pleurer sur une autre blessure. Comme va l'amiral de la poupe à la proue, pour mieux voir les marins travaillant à ses ordres sur les autres vaisseaux et les pousse à bien faire, telle, la cherchant des yeux lorsqu'elle eut dit mon nom, que je suis obligé d'écrire en cet endroit, mon regard reconnut, au bord gauche du char, la dame qui m'était tout d'abord apparue, le visage voilé par la fête des anges, me fixait du regard par-dessus la rivière. Quoique les voiles blancs qui tombaient de sa tête et que fixaient au front les feuilles de Minerve ne m'eussent pas permis de la voir clairement. Sur un ton souverain et hautaine en son dire, elle continuait, comme celui qui parle, en gardant pour la fin la pointe du discours. Regarde bien. Je suis, oui, je suis Béatrice. Qui te rend si hardi d'escalader des cimes? Ne savais-tu donc pas qu'ici l'on est heureux? Je baissai mon regard vers la source limpide. Mais n'y voyant que moi, je le tournai vers l'herbe. Tel était sur mon front le poids de la vergogne. Une mère est parfois trop dure avec son fils, et telle elle semblait alors, car la pitié que n'accompagne pas la douceur est amère. Elle se tut enfin, et les anges chantèrent soudain en chœur « In te domine speravi ». Mais leur chanson prit fin avec « Pedes meus ». Comme parmi les mâts encore vivants des bois, la neige vient durcir le dos de l'Italie sous le souffle glacé de tous les vents slavons, puis après elle fond et coule goutte à goutte, dès qu'arrive un vent chaud de la terre sans ombre, comme une flamme fond le suif de la chandelle, je demeurais ainsi, sans larmes ni soupirs, pendant le chant divin de ceux dont la musique suit toujours le concert des sphères de là-haut. Mais lorsque j'eus compris qu'ils me compatissaient dans leur suave accord, mieux que s'ils n'avaient dit « Dame, pourquoi donc être envers lui si sévère ?» La glace, qui d'abord accablait ma poitrine, devint soupir et larmes, et angoisseusement rejaillit de mon cœur par la bouche et les yeux. Mais elle, se tenant toujours aussi rigide de ce côté du char, après un long silence, adressa la parole à ce cœur de pitié. Elle dit « Vous veillez dans un jour éternel. Le sommeil ou la nuit ne vous vole jamais un seul pas que le monde esquisse dans sa marche. Ma réponse n'est pas pour vous, mais elle vise celui qui pleure là, car il doit bien m'entendre pour que la pénitence égale ses erreurs. Non seulement du fait de ces sphères célestes qui mènent les mortels vers une fin certaine, selon qu'elle est écrite au concours des étoiles, mais aussi par l'effet de la faveur divine dont la source descend de si haute vapeur que les regards mortels ne sauraient la trouver. Cet homme-ci fut tel du temps de sa jeunesse que virtuellement les bonnes habitudes auraient pu le conduire aux meilleurs résultats. Mais une terre inculte aux mauvaises semences est d'autant plus sauvage et devient plus maligne qu'elle cache en son sein plus de force et vigueur. Je l'ai pourtant un temps aidé de ma présence, et en lui faisant voir de mes yeux la jeunesse, j'obtins qu'il me suivît le long du droit chemin. Cependant, arrivé à peine sur le seuil de mon âge second, j'ai dû changer de vie, et il m'abandonna pour se donner à d'autres. Alors que je montais de la chair à l'esprit, et qu'augmentait d'autant ma vertu, ma beauté, je devins à ses yeux moins cher et moins aimable. Et il porta ses pas sur une fausse route, poursuivant le reflet de ce bonheur trompeur qui ne donne jamais ce qu'il nous a promis. En vain, j'ai demandé des inspirations par lesquelles je l'ai bien souvent visité en songe et autrement, car il n'en avait cure. Il est tombé si bas qu'enfin tous les moyens paraissaient impuissants pour obtenir sa grâce, si ce n'est en voyant les races condamnées. C'est pour cela qu'au seuil des morts, j'ai fait visite pour porter à celui qui l'a conduite ici les larmes de mes yeux à l'appui des prières. Pourtant, c'est transgresser l'ordonnance divine que de vouloir goûter, franchissant le léthé, un pareil aliment sans avoir à payer l'écho d'un repentir qui coûte bien des pleurs.